Sans transition et sans plus attendre, voici comment Bergson peut vous aider à vous réconcilier avec le temps qui passe et qui nous change. Une mélodie que nous écoutons les yeux fermés en ne pensant qu'à elle est tout près de coïncider avec le temps, qui est la fluidité même de notre vie intérieure. Mais elle a encore trop de qualités, trop de détermination, et il faudrait effacer d'abord la différence entre les sons, puis abolir les caractères distinctifs du son lui-même, n'en retenir que la continuation de ce qui précède dans ce qui suit, et la transition ininterrompue, succession sans séparation, pour retrouver enfin le temps fondamental. Telle est la durée immédiatement perçue, sans laquelle nous n'aurions aucune idée du temps. Bonjour Camille Riquet. Bonjour Adèle. Bienvenue sur le chemin de la philosophie. Merci à vous. Vous êtes philosophe, professeur et vice-recteur à la recherche de la faculté de philosophie de l'Institut catholique de Paris. Vous êtes aussi co-rédacteur des Annales bergsoniennes, membre de la revue Esprit. Et c'est avec vous que nous allons terminer cette série sur la transition en parlant de Bergson. Pour ceux qui ne le connaissent pas, le court texte que j'ai lu de Bergson sur la mélodie donne une idée très fidèle de la prose bergsonienne et de son sens des images. En réalité, il passe toujours par une image pour nous expliquer quelque chose. Ici, c'est l'image de la mélodie qui nous explique ce que c'est que le temps. Oui, Bergson a du style. Non seulement il est philosophe, il travaille les concepts, mais il sait précisément aussi que le style donne le mouvement des idées elles-mêmes et que pour suggérer cette durée, il est besoin d'images, il est besoin de suggérer ce qu'on ne peut pas toujours bien exprimer. Et c'est ce qu'il fait admirablement dans ce texte. Toute sa vie, il a essayé de dire une chose qu'il n'a pas réussi à dire, et c'est pour ça qu'il continue à écrire. En fait, son travail est une tentative de trouver les mots pour décrire quelque chose de tellement simple qu'il n'arrive pas à le dire. Exactement, c'est cela dont nous allons parler. Donc vous imaginez bien qu'on ne réussira pas plus que lui. Ça c'est vrai, mais ça veut dire que ce qu'il veut dire, c'est la transition. Quel est le lien avec la transition? Le changement, même si le mot transition apparaît à plusieurs reprises dans ses livres, c'est le changement, c'est la durée, le devenir qui l'intéresse avant tout. Il est considéré comme étant le philosophe du temps, celui qui a considéré que le temps n'était pas, comme on l'avait jusqu'ici envisagé, une illusion, une apparence, mais l'étoffe de la réalité. Sinon, la réalité elle-même. Et donc, c'était comme un changement de perspective où il était proposé à la philosophie de se confronter au monde que nous avions devant nous et non pas à un autre monde dont celui-ci n'aurait été qu'un écran de fumée. Parce que justement, il n'était que transitoire, il n'était qu'un devenir, et que en cela, il n'était pas la réalité même. Or, personne ne va nous dire que la réalité est faite de cette transition. Elle est la transition elle-même. Elle-même. C'est pour ça que l'idée de transition ou de changement peut s'envisager dans plusieurs sens. Et Bergson, au fond, peut nous aider aussi à démêler ce qu'il y a encore de confus peut-être dans cette idée de transition. Pourquoi? Parce que c'est une idée qui s'applique aussi bien à l'espace qu'au temps. Transiter, c'est passer d'un lieu à un autre. Donc là, c'est le voyage qui serait la transition. Mais c'est aussi bien, dans le temps, changer, se transformer, passer d'un état à un autre, être le même et ne plus l'être. Et là, tout change. Ça veut dire que, sitôt qu'on considère cette idée de transition dans l'espace, c'est les termes qui importe davantage que ce qui les relie. Nous quittons un lieu pour aller vers un autre. La transition, au fond, c'est quelque chose qui est coincé comme un entre-deux, mais qui n'est pas prêt d'altérer les termes entre lesquels elle se trouve. D'une certaine manière, du coup, cette transition nous paraît inessentielle. C'est pour ça d'ailleurs qu'on peut y aller plus ou moins vite et que les voyages s'accélèrent et que même à la rigueur, on aimerait pouvoir se téléporter d'un lieu à un autre. Parce qu'au fond, ce n'est pas la transition elle-même qui compte. La transition ne serait que transitoire. L'important, c'est d'aller... C'est la destination. C'est la destination, c'est d'aller de Paris à New York. Sans s'apercevoir que justement, à considérer les choses ainsi, on quitte un lieu pour un autre et au fond, on reste toujours au même endroit. Et que progressivement, dans les voyages que nous faisons, c'est toujours chez soi qu'on se retrouve. Parce que ce qu'on oublie justement, c'est que l'essentiel dans le voyage, c'est le voyage. C'est le plaisir du voyage, c'est le moment où on s'altère soi-même, où on devient un autre, où on se transforme par ce chemin lui-même. Pascal, et là, les montagnes nous l'avaient appris, ça, hein, parce que dans la chasse, ce qui compte, c'est pas le gibier, c'est la chasse elle-même. Donc c'est pas le but à atteindre que l'effort pour parvenir à ce but. Chez Bergson, il y a une idée supplémentaire, il dit pas simplement que c'est le voyage ou la chasse qui compte davantage que le gibier, la destination. Il fait un pas de plus en proposant une réflexion sur le mouvement. La réalité est certes éphémère, changeante, ça Montaigne l'avait dit aussi, mais elle est par essence transitoire, ça veut dire que jamais rien de fixe ne peut être fidèle à la réalité. Et ça va très loin, parce que qu'est-ce qui est fixe? C'est pas simplement le point de départ ou le point d'arrivée, c'est aussi notre intelligence, c'est aussi le langage qui arrête le mouvement pour que l'on puisse penser. Or cet arrêt du mouvement nous fait tourner le dos à la réalité. Exactement. Ça veut dire que la transition, au fond, chez Bergson, n'est pas transitoire, parce que c'est la réalité elle-même. Il n'y a pas de terme que l'on quitte, il n'y a pas de terme où l'on va, puisque c'est le changement, le mouvement lui-même qui est l'essentiel. Et que le terme lui-même n'est qu'un mouvement de mouvement. Mais c'est invivable, un monde en mouvement perpétuel. Ben, on aurait le mal de mer. Bien sûr, ce serait... D'ailleurs, on aura l'occasion d'y revenir. C'est parce que Bergson nous apprend à voir le changement partout, qu'il n'est pas dit qu'en pratique, c'est-à-dire en matière politique, par exemple, il nous le recommande également. Il y a un passage très beau dans La pensée du mouvement, il dit, mais c'est pas parce que le physicien voit des oscillations partout qu'il recommande l'exercice de la balançoire. Vous voulez dire qu'il était conservateur dans la vie? Parfois, j'ai l'impression. Peut-être, justement, ça c'est pas contradictoire, peut-être parce qu'il avait tellement conscience du caractère transitoire parce des choses, parce qu'il sait que tout qu'il change, que quelque chose s'arrête. Il faut bien un sens que les institutions soient là pour fixer, immobiliser, ce que font, au fond, toutes nos facultés, parce que nous avons besoin d'agir. Et donc le langage, l'intelligence, la pensée, d'une certaine manière, sert à immobiliser autant que faire se peut, cela même qui, de toute façon, est en mouvement. Alors avant d'écouter un texte magnifique de Bergson dans un instant, qui sera lu par Vincent Schmitt, je vous propose de revenir juste un instant sur les quelques lignes que j'ai lues au début, parce qu'elles nous permettent l'air de rien d'esquisser une distinction fondamentale chez Bergson et dont nous avons besoin, Camille Riquet, pour continuer cette discussion, c'est celle entre temps et durée. Quelle est la différence? Le temps a déjà, si je puis dire, logé son ennemi dans la place. Il a déjà installé le cheval de Troie à l'intérieur, c'est-à-dire l'espace. Puisque temps même dans sa racine, thème, c'est divisé. Donc on envisage toute une série d'instants, d'instantanés, qui seraient ensuite reliés les uns aux autres. Donc on considère le temps déjà comme une succession d'instants. C'est le temps des horloges. C'est le temps des horloges. Et Bergson nous dit que par là même, on a déjà spatialisé le temps. Donc s'il privilégie la durée, c'est justement pour retrouver dans le temps ce qui est proprement temporel. Et donc la durée, ce serait quoi? Ce serait la forme subjective du temps? C'est la manière dont je perçois le temps? D'abord, c'est la manière dont le temps nous est donné immédiatement, mais c'est progressivement aussi la manière dont le temps se fait partout, en nous et hors de nous. Donc ce n'est pas d'abord et seulement une affaire de subjectivité, encore que c'est précisément au sein de notre vie intérieure que cette durée se fera ressentir. Alors je vous propose qu'on plonge dans cette vie intérieure, pour commencer avec un texte de Bergson qui décrit le passage d'un état à un autre état. C'est un extrait de L'évolution créatrice. Je constate que je passe d'état en état. J'ai chaud ou j'ai froid, je suis gai ou je suis triste, je travaille ou je ne fais rien, je regarde ce qui m'entoure ou je pense à autre chose. Sensation, sentiment, volition, représentation, voilà les modifications entre lesquelles mon existence se partage et qui la colore tour à tour. Je change donc sans cesse. Mais ce n'est pas assez dire. Le changement est bien plus radical qu'on ne le croirait d'abord. Je parle en effet de chacun de mes états comme s'ils formaient un bloc. Je dis bien que je change, mais le changement m'a l'air de résider dans le passage d'un état à l'état suivant. De chaque état pris à part, j'aime à croire qu'il reste ce qu'il est pendant tout le temps qu'il se produit. Pourtant, un léger effort d'attention me révélerait qu'il n'y a pas d'affection, pas de représentation, pas de volition qui ne se modifie à tout moment. Si un état d'âme cessait de varier, sa durée cesserait de couler. Mon état d'âme, en avançant sur la route du temps, s'enfle continuellement de la durée qu'il ramasse. Il fait, pour ainsi dire, boule de neige avec lui-même. La vérité est qu'on change sans cesse, et que l'état lui-même est déjà du changement. Sur France Culture, les chemins de la philosophie, on parle de Bergson aujourd'hui, de la transition. La transition qui est bien plus qu'un moment éphémère à passer avant d'arriver à une destination, mais l'étoffe même de la réalité, vous disiez-nous, Camérique, à l'instant. « Je constate que je passe d'état en état, dit-il, je change donc sans cesse, mais ce n'est pas assez dire. Si un état d'âme cessait de varier, sa durée cesserait de couler. » Que veut nous dire ici Bergson? Qu'il y a quelque chose de la vie intérieure qui nous renseigne sur l'essence même du temps? Oui, c'est la vie intérieure d'abord, parce que c'est peut-être là où les choses sont les plus instables, dans les sentiments, dans les sensations. Quand je suis amoureux, je passe par tous les états de l'arc-en-ciel, pour ainsi dire. Je suis gai, je suis triste, mélancolique. Il suffit d'un sourire entreaperçu pour redevenir joyeux. Je ne cesse, en quelque sorte, de me transformer. Et pour autant, j'ai l'impression que je passe justement d'état en état. Et je dirais qu'un jour je suis triste et qu'un autre jour je suis gai. Ce que montre Bergson, c'est que justement il n'y a pas d'état. Que au fond, même la psychologie, lorsqu'elle parle d'état de conscience, a tendance à immobiliser ce qui est la vie même, le mouvement. Et que lorsque je suis gai ou triste, en quelque sorte, ou quand je passe d'un état à un autre, c'est ça l'essentiel. Et je ne fais attention, au fond, qu'à certains moments de ma vie intérieure, puisque je n'y prête pas toujours attention, et je me dis à ce moment-là que je suis ainsi ou ainsi, considérant en quelque sorte que cet état est immuable en lui-même. Donc c'est au fond une question d'attention. Bergson est là pour nous dire, faites attention à votre vie intérieure. Faisiez ce léger effort d'intention, comme le dit le texte, vous vous apercevrez qu'au fond, votre vie change tout le temps. Mais la mélodie, au fond, vous n'écoutez que par moment, si je puis dire. Je crois qu'il y a un passage où il dit dans la symphonie, au fond, vous ne faites attention qu'au coup de cymbale. Oui. Ben, c'est ce qu'on fait. C'est-à-dire que tout d'un coup, on s'aperçoit qu'on a changé. On n'a pas vu les transitions. C'est-à-dire que le changement se fait toujours, ou en tout cas, on s'aperçoit du changement que lorsqu'il a déjà eu lieu, après coup. Non pas au moment où il se fait. L'attention que réclame Bergson de nous, c'est de coïncider avec cette vie intérieure et d'épouser le mouvement lui-même pour s'apercevoir précisément que ces états n'en sont jamais. Donc il y a un décalage entre nos états et la perception de nos états. C'est-à-dire qu'en fait, on croit, par exemple, nous avons sans doute décidé avant même l'acte de décider. Oui, je pense que ça en raison même de la transition. C'est-à-dire que la transition, elle est, on aura l'occasion de voir, toujours d'une certaine manière imperceptible. Parce qu'elle a lieu tout le temps, elle est continue. De telle sorte que le changement ne s'aperçoit, si je puis dire, que lorsqu'il a déjà eu lieu, où on s'aperçoit finalement, j'ai changé, je ne suis plus le même. Et non pas au moment où il a lieu. Parce que précisément, il se fait toujours en nous, et parfois sans nous. C'est-à-dire que le temps est un gros travailleur, mais qui travaille très lentement. Parce qu'il a tout le temps pour lui. Donc il le fait sans cesse, et parfois à notre insu. Il suffit en quelque sorte d'éprouver un sentiment dans la durée, pour qu'il s'altère. C'est-à-dire que l'idée de Bergson, c'est de penser la continuité. Si vraiment, sérieusement, vous envisagez la continuité, alors vous devez nécessairement conclure que la durée n'est pas ce qui demeure, mais ce qui change, et change sans cesse. Pourquoi sinon durerait-elle? Oui. Prenons n'importe quel exemple, mais même le goût du chocolat. Il est évident qu'à la première bouchée, il a un certain goût qu'il n'aura pas à la seconde, ne serait-ce que parce que vous avez déjà mangé du chocolat, jusqu'à l'écœurement. Simplement, vous n'y prêtez pas attention et vous dites le goût du chocolat. Et parfois, c'est les mots eux-mêmes qui vous trompent sur la sensation que vous éprouvez. Bergson vous encourage en quelque sorte à déchirer ce voile de mots et à vous rendre attentif davantage à ce que vous éprouvez lorsque vous mangez. Et vous verrez en quelque sorte que ce goût est fait de mille nuances. Et d'ailleurs, c'est peut-être pour lui un des rôles de la littérature que de dire toutes ces nuances que nous sommes bien incapables de dire parce que nous sommes bien incapables de les apercevoir. Mais c'est ça tout le paradoxe. Et pourquoi choisit-il d'écrire ce qui est par définition quasiment indescriptible? Il aurait pu être compositeur. Enfin, il y a d'autres moyens peut-être qui sont plus à même de relayer ces petites perceptions qui nous composent. Oui, et c'est probablement la musique peut-être qui serait la plus fidèle à la retranscription de nos états d'âme, de nos sentiments. Néanmoins, c'est pour lui aussi un des rôles de la littérature. On y a dit de Bergson qu'il critiquait le langage, c'est pas vrai. Il estime simplement que la littérature, le langage, a plusieurs fonctions possibles. Celle d'exprimer, et donc de proposer des concepts qui représenteraient symboliquement la réalité. Mais quand il s'agit précisément de dire ce qui ne peut pas se dire, parce que la chose est toujours en mouvement, le langage a pour fonction de suggérer. C'est-à-dire de dire précisément ce qui ne peut pas se dire, mais par une certaine habileté dans l'articulation des mots, arriver en quelque sorte à permettre au lecteur de se recueillir et de retrouver en lui-même ce qu'il lit chez l'auteur. D'où l'importance de la prose chez ce philosophe. Mais ça veut dire aussi qu'il accorde beaucoup d'importance à ce que je parlais de vie intérieure. C'est quoi? C'est comme de la psychologie? Quel statut donner à cette vie intérieure qu'il appelle, enfin qu'il décrit à bien des reprises? La vie intérieure, disons, ce mouvement, on ne peut pas le saisir du dehors. Il nous dira toujours précisément que le changement, le mouvement, sitôt que vous prenez une vue extérieure, vous l'immobiliserez, vous y verrez des stations. Exactement comme lorsque l'on voit un mobile se déplacer, vous l'arrêterez à chacun des stations qu'il a traversées. Parce que précisément, vous le pensez dans le temps. C'est-à-dire que pour comprendre un mouvement dans sa transition continue, eh bien, il faut coïncider avec lui, c'est-à-dire l'épouser de l'intérieur. Je crois qu'il y a un exemple qu'il donne dans un de ses cours sur l'apprentissage d'une langue. Parce que on peut dire, mais c'est tout ça, c'est de la vie mythologique, qu'est-ce que ça veut dire cette vie intérieure? Mais en fait, c'est assez simple aussi ce qu'il dit. Il y a par exemple deux manières d'apprendre une langue. Soit vous n'allez jamais au pays, par exemple l'Angleterre si vous apprenez l'anglais, et alors vous aurez des manuels, vous essaierez de recomposer les mots anglais à partir des mots français, à partir de la phonétique qui vous est donnée dans les dictionnaires. Ça, c'est une chose, mais tout extérieur. Et vous essayez de recomposer le mouvement de la langue à partir des éléments fixes qui vous ont été donnés. Et puis, il y a une deuxième manière, c'est d'aller dans le pays. C'est-à-dire de baigner dans le mouvement, de baigner dans l'atmosphère, de coïncider avec la langue et de vous y essayer quand bien même vous ne parlez pas encore. Et ça, c'est une autre manière, intérieure, d'épouser le mouvement. Plonger dans le bain, quoi. Plonger dans le bain. En fait, c'est le penseur de l'immédiateté, on pourrait dire. Enfin, ceux qui n'aiment pas les médiations, qui n'aiment pas ce qui nous détache, ce qui nous éloigne de ce que l'on recherche. Oui, c'est le penseur de l'immédiateté. Non pas qu'il critique les médiations, mais disons qu'il s'agit précisément d'abord de plonger dans le bain, comme vous le dites, de privilégier l'immédiation, à partir de quoi, justement, il est possible ensuite de penser, de parler, de réfléchir, etc. C'est inexplicable l'adolescence. Aussi, on peut expliquer les adultes et on peut expliquer les enfants. Mais l'adolescence, on ne peut pas. Non, on ne peut pas. Je me sens bien, je me sens rien. Je me sens ni une enfant ni d'adulte. Je crois que je sais prendre mes responsabilités, mais pas comme une adulte et je ne réagis pas trop comme une enfant. Je suis bien. Je crois que je suis encore enfant et parfois adulte, mais c'est très rare. Tu crois que tu n'es pas encore dans l'adolescence? Non, je ne pense pas. Et ta sœur, quel âge a-t-elle? Elle a 16 ans. Puis elle a complètement changé depuis 2-3 ans. Alors, comme moi, je pense que aussi dans 2-3 ans aussi, je vais complètement changer. Je ne suis pas tellement pressée. Moi, je la vis très vite. J'en profite au maximum parce que je sais qu'elle va se terminer dans pas très longtemps. Les adultes qui m'entourent sont en général des gens assez sérieux, mais je connais quand même des gens qui ne sont pas très sérieux. Mais les adultes, c'est des gens qui savent, qui sont très, très stables parce qu'ils savent être drôle tout en ayant en eux, ils se sentent très bien, quoi. Tandis que nous, on ne sait pas très bien comment être, on n'est pas fixé. Je me sens bien, je me sens rien. Dans un organisme comme le nôtre, des crises telles que la puberté ou la ménopause, qui entraînent la transformation complète de l'individu, sont tout à fait comparables aux changements qui s'accomplissent au cours de la vie larvaire ou embryonnaire. Pourtant, elles font partie intégrante de notre vieillissement. Si elles se produisent à un âge déterminé et à un temps qui peut être assez court, personne ne soutiendra qu'elles surviennent alors ex abrupto, du dehors, simplement parce qu'on a atteint un certain âge, comme l'appel sous les drapeaux arrive à celui qui a 20 ans révolu. Il est évident qu'un changement comme celui de la puberté se prépare à tout instant depuis la naissance, et même avant la naissance, et que le vieillissement de l'être vivant jusqu'à cette crise consiste, en partie au moins, dans cette préparation graduelle. Les chemins de la philosophie, Adèle Van Rett. Dans l'extrait qu'on a entendu, Camille Riquet, de témoignages de ces adolescents qui peinaient à définir leur propre état, il y avait de nombreux échos avec le court texte de Bergson que j'ai lu ensuite, un extrait d'Évolution créatrice, hein, 1907, si bien que je me demande si ce ne serait pas fidèle à ce que dit Bergson que de qualifier notre rapport à la vie comme étant une forme d'éternelle adolescence en réalité. Si on entend par adolescence cette espèce de changement qui tout d'un coup nous paraît très, très évident, alors qu'en fait il en est toujours ainsi. Oui, je pense qu'effectivement c'est le devenir, le passage de l'enfance à la virilité ou à l'âge adulte qui fait l'étoffe et l'essentiel de la vie. Mais ce qui est impressionnant dans le témoignage qui nous est fait par ces adolescents, c'est la difficulté avec laquelle ils définissent cet entre-deux. C'est-à-dire qu'ils le disent précisément avec les termes de l'intelligence. Ouais. En fait, les adolescents sont très intelligents. Et c'est pour ça qu'ils ne comprennent pas ce qui leur arrive. C'est-à-dire qu'ils vont dire, je ne suis plus un enfant, je ne suis pas encore un adulte. Je suis dans cet entre-deux. C'est-à-dire qu'ils donnent d'abord des termes qui, pour eux, leur semblent les réalités essentielles. Et pour cette raison même, ils disent, mais alors, je ne suis rien. Je ne suis rien parce que je suis dans cet entre-deux et je vis cette crise faute précisément de me sentir, de sentir ce changement. Mmh. Donc il parle exactement comme le ferait un être très intelligent. C'est-à-dire que c'est exactement le problème que se posaient les Grecs. C'est le problème du devenir. C'est-à-dire que vous prenez un Platon, un Aristote, où ils se disent mais comment le froid peut devenir chaud? Comment le petit peut devenir grand? Comment l'enfant peut devenir homme? Un enfant, c'est un enfant. Un homme, c'est un homme. Le chaud, c'est le chaud. Mais comment peut-on être le même et en même temps déjà un autre? C'est toute la difficulté précisément de la transition. Mmh. Et donc, c'était le problème qu'il devait expliquer et que Platon tenta d'expliquer précisément en disant « Mais non, il y a d'abord des termes. Le chaud, c'est le chaud. C'est ça la réalité. Le froid, c'est le froid. » Et après, toute la difficulté pour lui sera été d'expliquer comment on passe de l'un à l'autre, le changement. Mais ce changement, précisément, comme le dit l'enfant, ce n'est rien. Ce n'est que pure illusion. C'est-à-dire que c'est ce qui se passe dans le monde sensible, mais dans le monde intelligible, il n'y aura jamais que des idées, des termes fixes, du chaud, du froid, un enfant, un homme. Et l'adolescence, au fond, n'aurait même pas sa place dans le monde intelligible. Ce qui serait bien dommage. Alors que répondrait Bergson à Platon ? L'inverse. Prenons, alors je ne sais pas si vous avez fait ce choix, lorsqu'il compare l'intelligence, justement, à l'appareil cinématographique. Et il dit finalement que le mécanisme de l'intelligence obéit à un mécanisme cinématographique. Alors, on pourrait très bien dire, mais là, il est dépendant de son temps, c'est une image qui lui appartient, le cinéma venait de se découvrir, mais au fond, c'est déjà ce que faisait Platon. Et je crois que dans un texte, justement, il nous dit « Mais l'allégorie de la caverne, c'est le premier cinéma !» Parce que les prisonniers de la caverne voient défiler sur un mur des images qui sont l'ombre d'objets qui passent derrière. Ils voient des ombres projetées sur un mur. Ils voient des ombres projetées comme sur un mur. Comme le cinématographe. Exactement, avec derrière, comme projecteur, la lumière du soleil. La lumière du soleil. Ouais. Et eux-mêmes seraient fixés, attachés à des bancs, dans la caverne, comme on est au cinéma. Alors au début, le cinéma était encore un peu balbutiant, mais il parlait de lanterne magique. À ce propos, il imaginait précisément les idées comme étant des verres de couleur, bleu, rouge, etc., avec une lumière derrière qui serait le projecteur et qui projetterait sa lumière à travers ces verres de couleur sur un écran, hein, qui est la paroi rocheuse de la caverne, et qui serait précisément le devenir que verraient les prisonniers de la caverne et qui se donnerait l'illusion du mouvement. Mais le mouvement n'est rien. On passe d'un état à un autre, mais d'une certaine manière, tout ça n'est jamais qu'une illusion. Cette manière dont ces reflets évanescents se projettent sur l'écran cinématographique. Et on considère d'une certaine manière que, du coup, le monde sensible n'est jamais qu'un bon ou un mauvais film. Le plus souvent, mais un mauvais film. Mais ça, avant, oui, et en effet, on a prévu d'entendre le texte de Bergson sur le cinéma qui est vraiment déterminant parce qu'il est l'objet d'une incompréhension que Deleuze, des décennies plus tard, va dissiper en montrant qu'en fait, Bergson avait les moyens de comprendre le cinéma et il l'a condamné à tort, en étant fidèle à sa propre philosophie. Pour bien le comprendre, faut peut-être encore préciser les choses parce que, ce que Bergson reproche au cinéma, est-ce qu'il reproche à Platon, c'est la fixité qui ne permet pas de penser le mouvement. Mais ça va encore plus loin. Ça veut dire que finalement, le mouvement n'est pas saisissable en lui-même parce que l'effort même de le saisir par l'intelligence implique de le stopper, implique de mettre des chiffres, de mesurer une distance, par exemple. Et qu'au fond, le mouvement lui-même est absolument insaisissable à l'intelligence. C'est ce qu'il montre avec l'exemple d'Achille et la tortue, par exemple. Oui, bien sûr. C'est les paradoxes qu'il reprend à Zénon, mais que l'on retrouve effectivement aussi dans l'exemple de Platon et de l'allégorie de la caverne, ou du cinéma. C'est-à-dire, on pensera toujours des états, des images fixes, et on les fera défiler sur l'écran, sans s'interroger sur le mouvement précisément qui permet de passer d'un état à l'autre. C'est-à-dire qu'on se donnera l'illusion du mouvement avec une succession d'images arrêtées. Mais comment fait-on pour penser l'essence du mouvement ? Qu'est-ce que ça veut dire, en fait ? Il s'agit simplement d'inverser la chose. C'est-à-dire qu'au lieu de dire que la réalité même, c'est l'enfant ou c'est l'adulte, c'est de dire que la réalité même, c'est le devenir adulte de l'enfant. C'est-à-dire que cet entre-deux qui n'est rien pour l'adolescent, et c'est ce qui fait sa crise, en fait, c'est pour Bergson tout. C'est l'essentiel. C'est ce devenir qui fait qu'en un sens, depuis toujours, il était en voie de vieillissement. Depuis toujours, il était en voie de maturation. Et que ce n'était jamais que des vues abstraites et inessentielles quand il se disait enfant d'abord, adulte ensuite. C'est ça, mais donc c'est un renversement de point de vue, de perspective. Oui, mais nous n'avons pas les images, nous ne sommes pas armés intellectuellement pour saisir ce devenir. Non, c'est un enfant, ça que... on voit une image, un adolescent, un adulte, mais l'entre-deux, on ne voit rien. Non, en tout cas, on a du mal à le dire, ou en tout cas, il faut avoir bien du style et utiliser de nombreux artifices pour parvenir justement à suggérer cela même qu'on a du mal à penser parce que on a simplement du mal aussi à s'en apercevoir. Mais ça veut c'est dire le dilemme de transition. Si la transition, si le changement était brusque et n'arrivait que de loin en loin, évidemment, on s'en apercevrait à chaque fois. Mais parce que le changement a lieu tout le temps, parce que la transition est continue, on s'en aperçoit le plus souvent jamais. Mais ça veut dire que l'intelligence est en deçà de la réalité. C'est pas par l'intelligence qu'on comprend vraiment les choses. D'ailleurs, Bergson est le penseur de l'intuition. Oui, qui le pense parce que justement l'intelligence n'est pas faite pour comprendre ou pour penser. Mais ça, c'est fou. Elle est faite pour agir. C'est évident. C'est que même lorsque vous voulez changer, vous ne pensez pas au changement, vous pensez précisément au point, à l'idéal vers lequel vous tendez et que vous voulez être. L'enfant ne pense pas au changement, il veut être cet adulte qui n'est pas encore. Donc, il ne pense pas en termes, si je puis dire, contemplatif, mais en termes pratiques. Voilà, l'intelligence, elle est pratique. Elle est pratique. Elle est efficace. C'est pour produire quelque chose. C'est pour produire quelque chose, et c'est pour ça, en quelque sorte, qu'elle se donne des buts, des termes fixes. Et c'est cela même qui lui rend inattentif le passage d'un état à un autre, et qui est pourtant l'essentiel. Est-ce que... Et qui se fait toujours, si je puis dire, derrière notre dos. Voilà. Et est-ce que le terme, du coup, le corollaire de l'intelligence, ce qui s'y oppose peut-être que ce que Bergson appelle l'intuition, est-ce que l'intuition serait mieux à même de saisir le réel ? Bah, disons qu'elle le saisit. Toute la difficulté, c'est qu'en faire ensuite, puisque justement, il nous manque encore les mots, les alors concepts, là, il faut revenir à l'intelligence, les images. Alors. Bien sûr. C'est-à-dire que le tort de beaucoup des critiques qu'on a faites au bergsonisme, c'est de penser qu'il rejetait l'intelligence au profit de l'intuition. Non, l'idée c'est simplement de renverser les perspectives, c'est-à-dire non pas de partir de l'intelligence pour essayer, par reconstitution des éléments qu'elle aura décomposés, retrouver l'intuition première, mais partir de l'intuition, pour ensuite se donner tous les moyens qui sont les nôtres, c'est-à-dire l'intelligence, le langage, la pensée, la réflexion. C'est simplement une inversion de perspective. Voilà. Mais il s'agit de penser avec tout notre être, toutes nos facultés. Bergson n'a jamais dit le contraire. Qu'est-ce que c'est le cinéma ? C'est un transport en commun, au sens affectif, voilà. Ben, c'est ça le travail, si vous voulez. Supposons qu'on veuille reproduire sur un écran une scène animée, le défilé d'un régiment, par exemple. Il y aurait une première manière de s'y prendre. Ce serait de découper des figures articulées représentant les soldats, d'imprimer à chacune d'elles le mouvement de la marche, mouvement variable d'individu à individu, quoique commun à l'espèce humaine, et de projeter le tout sur l'écran. Il faudrait dépenser à ce petit jeu une somme de travail formidable, et l'on n'obtiendrait d'ailleurs qu'un assez médiocre résultat. Comment reproduire la souplesse et la variété de la vie ? Maintenant, il y a une seconde manière de procéder, beaucoup plus aisée en même temps que plus efficace. C'est de prendre sur le régiment qui passe une série d'instantanés, et de projeter ces instantanés sur l'écran de manière qu'ils se remplacent très vite les uns les autres. Ainsi fait le cinématographe. C'est parce que la bande cinématographique se déroule, amenant tour à tour les diverses photographies de la scène à se continuer les unes les autres, que chaque acteur de cette scène reconquiert sa mobilité. Il enfile toutes ses attitudes successives sur l'invisible mouvement de la bande cinématographique. Tel est l'artifice du cinématographe, et tel est aussi celui de notre connaissance. On voit bien dès lors que le cinéma se trouvait dans une espèce de situation, à la limite sans issue. Sa grandeur faisait même, sa nouveauté même faisait que, dès le début, on allait se retourner contre lui, sur lui, en disant, mais alors quel intérêt ? S'il s'agit de reproduire le mouvement à partir d'une série d'instantanés, quel intérêt ? Intérêt artistique, intérêt esthétique, nul. Intérêt scientifique, nul. C'est la voix de Gilles Deleuze en 1981, Deleuze qui a beaucoup commenté les écrits de Bergson et qui a montré donc que, contrairement à ce que le texte de Bergson affirme, dans celui que vous venez d'entendre, lu par Vincent Schmitt, eh bien le cinéma, y compris pour Bergson, aurait dû être l'image même du mouvement. Car ce que Bergson n'avait pas vu, et pour cause, le texte écrit en 1907, le cinéma est très jeune, et peut-être la réflexion est-elle tributaire à des conditions historiques. En fait, c'est ça que ça nous enseigne aussi. Le mouvement qui est présent dans le cinéma est exactement celui que Bergson décrit dans la réalité, parce que les images même, ce que l'on voit projeté à l'écran, c'est pas simplement une succession d'images fixes, c'est du mouvement à l'état pur, reproduit par le montage qui vient proposer un film à l'écran. Camille Riquet. Oui, bien sûr, Deleuze a au fond rendu justice à Bergson mieux que Bergson ne s'est rendu justice lui-même. Mais disons que la perspective aussi n'était pas tout à fait la même. Au fond, Deleuze nous montre que Bergson nous donne les moyens de penser le cinéma. Et Cinéma 1 et 2 de Deleuze, qui est une somme magistrale, prend Peirce et Bergson comme ses auteurs favoris pour penser ce mouvement pur. Bergson, lui, ne voyait pas en fait les potentialités du cinéma, mais simplement l'opération elle-même, le mécanisme. Il ne voyait que le mécanisme, l'appareil. Et donc, il n'a vu d'abord que l'appareil technique et non pas ce que l'appareil technique permettait encore de faire. C'est une critique non pas du cinéma, mais au fond de l'intelligence par le moyen du cinéma. Ce qui rend tout à fait possible aussi, ensuite, de penser grâce à lui le cinéma lui-même. C'est au fond deux choses distinctes. Donc, je pense que Bergson et Deleuze ont raison à la fois. Ce qu'il considérait, c'est que lorsqu'on prend l'appareil technique lui-même, cinématographique, le mouvement est toujours caché. Ça veut dire qu'on se donne des images fixes, instantanées, 24 par seconde, qu'on va faire défiler très très vite pour nous donner l'apparence du mouvement. Ce que cette métaphore nous apprend, même par rapport à l'allégorie de la caverne, c'est qu'il y a bien du mouvement quelque part. C'est-à-dire que ce mouvement-là, dont on se donne l'illusion, il faut bien qu'il soit quelque part pour faire passer les images les unes après les autres. Il le dit, c'est ce mouvement-là, il est dans l'appareil lui-même. C'est-à-dire qu'il est derrière notre dos. Et c'est lui qui fait passer les images les unes après les autres. Simplement, ainsi fait, ce mouvement-là, qui serait celui de l'appareil, devient universel, abstrait, mécanique. Alors que précisément, le mouvement dont il parle, le changement, le devenir, en tant qu'il est l'état de la réalité, a toute l'épaisseur et les nuances du réel. C'est-à-dire qu'il y a des différences de rythme, il y a des qualités, il y a des manières de devenir, il y a plusieurs devenirs possibles. Donc il y a toute une richesse de devenirs qui, en quelque sorte, ont été aplanir sur l'écran pour n'être qu'un seul et même mouvement. Mais ce n'est pas, encore une fois, le cinéma qui est critiqué. C'est simplement le mécanisme lui-même. D'ailleurs, j'ai moi-même fait une erreur que Bergson aurait relevée, avec des listes sans doute, une erreur. Je suis passée de changement à mouvement. Et ce faisant, j'ai inscrit dans l'espace, en fait, ce qui avant était du registre du temps. En fait, la discussion porte sur le devenir, ce qui est temporel, et quand on parle de mouvement, c'est quelque chose que l'on peut voir. Et pour Bergson, c'est ça aussi, un des ennemis, un des obstacles de la pensée, c'est qu'on spatialise en permanence ce dont on parle, et donc on n'arrive pas à saisir l'essence même du devenir. Bien sûr, le temps est invisible. Donc la seule manière, en quelque sorte, de le rendre visible, c'est dans le mouvement, puisque le mouvement est à la charnière du temps et de l'espace. C'est un mobile qui se déplace. Donc c'est cela aussi qui peut nous tromper et qui nous invite à prêter au temps des caractères qui n'appartiennent qu'à l'espace. Mais justement, ce qui l'intéresse d'abord et avant tout, y compris dans le mouvement, c'est le changement. C'est quelque chose de proprement qualitatif. L'altération en tant que telle. Mais comment parler encore de changement dès lors que, si on en revient au thème de la transition, tout n'est que succession d'infinies petites transitions en réalité. Donc le terme de changement est inapproprié en fait. Parce que dans changement, on présuppose un état A et un état B. En fait, les transitions seraient presque plus appropriées que changement. Parce que dans transition, on entend ce passage. D'une certaine manière, puisqu'il dira toujours du changement, alors ce n'est jamais que des changements de changement, des mouvements de mouvement. Puisque justement, il n'y a pas de termes entre lesquels nous allons. Donc, les termes mêmes qu'on suppose fixes et immuables sont eux-mêmes des changements, mais des changements plus lents. Exactement comme les pyramides d'Égypte, pour Montaigne, sont encore elles-mêmes en devenir. Ce sont des branloirs pérennes. Mais c'est toujours aussi en mouvement. Donc il n'y a jamais que des mouvements et des différences de mouvements. Donc ce qui compte, c'est d'abord l'entre-deux, c'est-à-dire le passage lui-même. Les réalités qu'on nomme, qu'on fixe, comme l'enfance, l'adolescence, l'âge adulte, ne sont jamais en quelque sorte que des vues abstraites, prises sur ce mouvement. Alors, ces vues abstraites prises pour ce mouvement, sur ce mouvement, on peut en prendre un autre exemple, cette fois-ci du côté de la littérature, puisque c'est ce que Bergson aussi appelait de ses vœux. Reste à savoir d'ailleurs pourquoi il n'était pas écrivain et qu'il était philosophe, mais ça, on ne choisit pas forcément. Avec une vue, alors la moins abstraite possible, qui est celle du narrateur de La recherche du temps perdu, quand à la fin du roman, il retrouve, lors d'une matinée chez la princesse de Guermantes, des visages qu'il a côtoyés toute sa vie et qui, soudain, semble-t-il, ont changé. Chez certains êtres, leur emplacement successif, mais accompli en mon absence de chaque cellule par d'autres, avait amené un changement si complet, une si entière métamorphose, que j'aurais pu dîner 100 fois en face d'eux, dans un restaurant, sans me douter plus que je les avais connus autrefois, que je n'aurais pu deviner la royauté d'un souverain incognito ou le vice d'un inconnu. La comparaison devient même insuffisante pour le cas où j'entendais leur nom, car on peut admettre qu'un inconnu assis en face de vous soit criminel ou roi, tandis que je les avais connus. Ou plutôt, j'avais connu des personnes portant le même nom, mais si différentes que je ne pouvais croire que ce fussent les mêmes. Pourtant, comme j'aurais fait de l'idée de souveraineté ou de vice, qui ne tarde pas à donner un visage nouveau à l'inconnu, avec qui on aurait fait si aisément, quand on avait encore les yeux bandés, la gaffe d'être insolent ou aimable, et dans les mêmes traits de qui on discerne maintenant quelque chose de distingué ou de suspect, je m'appliquais à introduire dans le visage de l'inconnu, entièrement inconnu, l'idée qu'elle était Madame Sazra, et je finissais par rétablir le sens autrefois connu de ce visage, mais qui serait resté vraiment aliéné pour moi, entièrement celui d'une autre personne ayant autant perdu tous les attributs humains que j'avais connus qu'un homme redevenu sage, si le nom et l'affirmation de l'identité ne m'avaient mis, malgré ce que le problème avait d'ardu, sur la voie de la solution. Parfois, pourtant, l'ancienne image renaissait assez précise pour que je puisse essayer une confrontation. Et comme un témoin mis en présence d'un inculpé qui l'a vu, j'étais forcé, tant la différence était grande, de dire « Non, je ne la reconnais pas. » « Je ne la reconnais pas », dit le narrateur de La recherche du temps perdu, tellement le changement se fait de manière imperceptible que la méconnaissance apparaît de manière abrupte et soudaine. Ça, c'était le changement. Selon Marcel Proust, voici maintenant le changement, selon David Cronenberg, ou comment devenir une mouche en 1 minute 30. « Qu'est-ce que c'est ?»« T'essaies de détourner mon attention. »« Non, vraiment. On dirait des poils. Je sais pas, c'est... Le système pileux se développe parfois avec l'âge, ça arrive. Ils sont très durs. Hé, pas mes poils tout neufs, là, qu'est-ce que tu fais? Détends-toi, Sate. Je ne pense pas que tu aies envie d'avoir le corps recouvert de ça. Mon Dieu, ce qu'ils peuvent être durs. Il a dû se passer quelque chose d'anormal quand tu t'es téléporté. Il a dû se passer quelque chose. Tu es en train de changer. Tout en toi est en train de changer. Ces poils durs qui poussaient sur ton dos, je les ai portés dans un labo. Je les ai fait analyser. Les gens du labo ont eu du mal à les identifier. Ils sont finalement arrivés à la conclusion qu'il était certain qu'il n'était pas humain. En fait, ils croient que ce serait ceux d'un insecte. C'est idiot, c'est tout à fait ridicule. Mais regarde, il y en a d'autres maintenant. Mais tu as vu ton visage? Je suis devenu libre, je suis délivré et tu ne supportes pas. Si le deuxième élément est mouche, qu'est-il arrivé à mouche? Fusion de Brundle et mouche au niveau génétique moléculaire. Je t'en prie, Du remplacement successif des cellules, c'est-à-dire de la vieillesse décrite par Proust à la métamorphose à la mode Cronenberg, dans le film La Mouche qui date de 1986, on a là Camille Riquier deux modalités du changement qui montrent à la fois l'élasticité du temps et en même temps le caractère brutal d'une perception, y compris quand le changement se fait de manière absolument imperceptible. Parce que dans les deux cas, en fait, la personne qui assiste à la métamorphose est absolument surprise. Bien sûr, mais c'est justement, à mon avis, l'un des caractères les plus propres de la transition. C'est pour ça, au fond, que la durée bergsonienne est essentiellement une transition. Parce qu'elle est imperceptible, parce qu'elle a lieu tout le temps. C'est-à-dire qu'on ne s'en aperçoit pas. D'ailleurs, c'est ce que va nous montrer Proust. Pour s'apercevoir du changement, il ne faut pas voir tout le temps les personnes. Il faut, en quelque sorte, qu'il y ait eu un long temps avant de la revoir. On ne se voit pas vieillir, et on ne voit pas les gens que l'on côtoie vieillir non plus. Il faut en quelque sorte laisser passer des années pour que tout d'un coup le changement éclate au grand jour. Parce que justement, la transition nous les avait rendus insensibles. Et c'est ce qui se passe dans le texte que vous avez lu de Proust, Le bal des têtes, qui est un texte très très beau, et en même temps qui montre à quel point Proust n'est pas Bergson. Ils sont contemporains pourtant, quasiment. Ils sont contemporains et même liés dans la famille. Je crois que Proust est le cousin de sa femme. Et donc, peut-être pour ces raisons de filiation, on a voulu y voir d'ailleurs une parenté spirituelle entre l'un et l'autre, comme si Proust aurait mis en littérature les idées bergsoniennes. Rien n'est plus faux. Et même là, d'une certaine manière, il y a quelque chose comme un démenti de Bergson. Le bal des têtes, c'est aussi une objection grave que Proust formule contre sa propre entreprise d'écriture. Contre sa propre conception de l'art. Pourquoi ? Parce que justement, il n'est pas bergsonien. C'est que pour lui, il y a des réalités extra-temporelles. Les sensations, si je puis dire, sont porteuses d'une part d'éternité. L'impression que les choses ont faites sur lui, le plus souvent, sont définitives. La première fois qu'il a vu Combray, c'est la vraie, c'est la seule, c'est la plus réelle. L'enfant qu'il a été, si je puis dire, a vu le monde réel. Et c'est pour ça qu'il va en quelque sorte y revenir et tenter de retrouver ce temps perdu. C'est-à-dire que la conception qu'il a de l'art, c'est de montrer que par ses réminiscences, il y a des sensations, c'est-à-dire ce qu'il y a et ce qui est supposé être le plus transitoire, le plus éphémère, c'est ce qu'il y a peut-être de plus éternel. C'est-à-dire que pour pouvoir toucher cette éternité, il ne s'agit pas de s'évader du monde sensible, il y a quelque chose dans le monde sensible qui est d'une certaine manière immuable, ces sensations. Bon, et c'est la petite Madeleine de Proust, c'est la dans le thé qui tout d'un coup fait ressurgir tout un monde, le monde de Combray. Le bal des têtes, c'est au fond l'objection, c'est de dire non, en fait, malgré tout, on a vieilli, on s'en est pas aperçu. C'est-à-dire que le temps a fait son œuvre et peut-être qu'il corrode, qu'il altère ces réalités en quelque sorte extra-temporelles que l'art justement a pour fonction de saisir, de fixer. Et donc c'est une objection qui se fait à lui-même, hein, le bal des têtes. Et ce qui est intéressant, c'est justement que il revoit des personnes après ne plus avoir vu pendant longtemps. Et c'est pour ça, en quelque sorte, qu'il ne les reconnaît pas. Mmh. Faute d'avoir, en quelque sorte, assisté aux différentes transitions. Et ça, c'est la vieillesse. C'est-à-dire que, d'une certaine manière, la transition continue par excellence, c'est pas la maturation, comme le disait Bergson. C'est-à-dire, au fond, quelque chose qui fait que on est en devenir, on devient autre, mais avec un soupçon d'optimisme. Parce que tout ceci serait aussi une création continuée. Bah, la vieillesse, c'est la preuve de l'irréversibilité du temps. C'est la preuve de l'irréversibilité et aussi, au fond, que tout se dégrade. La transition n'a pas de caractère axiologique tranché. On peut transiter vers le haut et transiter vers le bas. Mais la question que je pose, c'est que peut-être que la seule véritable transition, c'est celle qui va toujours vers le bas. Celle qui fait que l'on vieillit. Ça dépend à partir de quel âge. Enfin, la vieillesse, généralement, on ne parle pas de vieillesse quand un enfant passe de 6 mois à 7 mois. Pourtant, il évolue aussi. La vieillesse, on considère que c'est le moment où les facultés ne se développent plus dans un sens, ne se renforcent plus, mais au contraire, s'affaiblissent. Oui, bien sûr, bien sûr. Mais donc, il y aurait maturation et ensuite vieillesse. Mais on pourrait se demander aussi si, au fond, l'enfant n'est pas déjà assez vieux pour vieillir et s'il ne vieillit pas toujours déjà. C'est-à-dire que l'idée de Proust, c'est de dire que ces personnes qu'il revoit, le marquis d'Argencourt et tant d'autres, sont grimés, ne se ressemblent plus. Ils ont l'air d'être des caricatures d'eux-mêmes. Et ce que j'aime bien aussi chez lui, c'est que, justement, il n'y a pas le vieillard, l'adulte, etc. C'est-à-dire que il ne ressemble plus à rien. Il a dépassé son genre. Il y ressemble à un singe, à une poupée. C'est-à-dire qu'en un sens, il n'est plus arrivé à un terme. Parce que justement, la vieillesse, c'est toujours ce qu'il va au-delà. On va vers l'abîme. On va vers la mort. Donc, en un sens, il n'y a pas de destination. C'est une altération perpétuelle. Et en cela, il semble, en un sens, que le marquis d'Argencourt ou Madame Sazerat, dans le texte que vous avez cité, au fond, ne sont pas à leur propre image. Et en un sens, c'est comme ça qu'il va revenir à sa propre conception. La vraie image de ces personnes-là, c'est celle qu'il a gardée dans sa mémoire. C'est celle de la première impression. Et que, au fond, c'est elle la plus vraie et non pas celle qu'il a face à lui. Parce que c'est la première, la plus fraîche, la plus neuve, la plus ancienne, et que d'une certaine manière, ensuite, justement, le vieillissement a détruit, a déformé. Le temps a fait son travail de destruction. Et il me semble précisément que si la transition est continue, elle ne peut aller, mais c'est une question dans un sens que je pose, que vers le pire, que vers la dégradation. Oui, la question, j'entends une affirmation dans ce que vous dites qui est assez angoissante. Oui, c'est assez angoissant. C'est assez angoissant. C'est-à-dire que si... Pourtant, la lecture de Bergson n'est pas angoissante. Elle n'est pas angoissante, puisque... Mais elle vous angoisse, visiblement. Bah, disons que je l'ai transformé, peut-être en un sens plus péguiste, ou... Parce que vous avez écrit, par ailleurs, sur Charles Péguy aussi. Oui, oui. Et que le temps, en quelque sorte, parce qu'il fait constamment son œuvre, ne cesse de défaire la nôtre. Et que c'est toujours quelque chose qui se défait, et qui se défait continuellement. Comme le vieillissement. Alors peut-être qu'on peut reconsidérer les ouvrages philosophiques ou même littéraires comme étant des manières justement de conjurer ce vieillissement, pas celui de notre corps, mais celui de notre être. Écrire et publier les ouvrages de Bergson aujourd'hui sont encore lisibles aujourd'hui, c'est une manière d'exister, c'est ce que Proust ne dit pas autre chose. Oui, oui. Qu'il y a une manière de ressaisir le temps qui conjure, alors pas le vieillissement biologique, puisque celui-là c'est impossible à moins d'être Benjamin Button justement, mais qui conjure la transition vers l'oubli. Oui, oui. Mais en même temps, je pense qu'il pourrait s'accorder. Je pense que tous les auteurs ont leur vérité. Il s'agit simplement de trouver le plan où ils se situent. Bergson, d'ailleurs, ne dirait pas tout à fait autre chose dans l'évolution créatrice. Il dit « La loi de l'entropie, c'est la plus métaphysique des lois de la physique. » Parce que justement, tout marche vers la mort. Mmh. Et que le temps n'est jamais qu'un retardement. Parce que de toute façon, on ira. Le vieillissement est fatal. En cela... si nous laissons faire le temps dans sa transition continue, ce sera toujours vers le pire. Et que la liberté, l'activité, l'effort, la crise, les métamorphoses, c'est cela même précisément qui est là pour contrarier ce vieillissement inévitable. Et c'est dans cela, en quelque sorte, que je préfère les changements brusques, les conversions, les retournements,